j'écris mon nation. Tu es laissé plus vers le qui font ma libération. Dès que j'écris, je me libère de mes actions. J'écris mon compte à fin, content. Je m'engage sur cette plaie, non, de toute façon. Je me décris pas avec des superstars émotions. Je joue plus avec des superstars émotions. Ça tourne en dramatisation, c'est la tour à clé. Prise de bec, j'ai pris sur le fait de se croire autant. Mais t'as-tu la technique? Mon nickname n'est pas reconnu. Like fame, un autre famous player. Juste un genre compulsif du rap. Que pas encore tout perdu, comme le manche de bac. Que pas encore des assidus. Mon but c'est gagner l'expérience. Sans l'obligation de nous mettre sa map. Loin d'être vraiment connu. Proche d'être vraiment sans revenu. À notre projet du temps de se mettre fame. En fin de compte, à chaque track qu'on lâche, on tente d'accentuer ta fin sur nos beats prononcés. Maintenant je mets l'accent, c'est fait. Devrait pas être énoncé. Maintenant mon rythme parallèle à toute pensée. J'avance toujours dans le même sens. Pensez vraiment si j'y est irréel. C'est incroyable les gars qui se passent en Israël. Vous avez compris, ça devient plus intense. Mon projet peut-être bien immense. Mais il va toujours avancer sans échéance. Mon appréciation, souvent perçue comme un pion dans un jeu d'échecs aux trop grandes dimensions. Le complexe, l'échec n'a pas sa place dans nos dimensions. Mon appréciation, souvent perçue comme un pion dans un jeu d'échecs aux trop grandes dimensions. Où la vie récompense les hommes avec des mentions. T'apprécies, je comprends pas supposé de servir. Si notre merci, notre immersion, se faire toute satisfaction. T'es peut-être satisfait de voir qu'on n'écrit pas de la science-fiction. Nos rédactions sont axées sur la science de nos réflexions. On assiège avec nos stratèges, les logiciels. Je m'embarque dans le manège, on évite les pièges. Mon idée reste toujours stable, dirais-je. Tout ce que je dis, preuve de vérité. J'étais sévère à ceux qui l'ont mérité. Ce que je mérite, une place avec les L explicites. On cite des mots anti-stéréotypes. Notre monotype nous rend indépendants. Te rend dépendant de notre message qui s'affirme sans aucun lassage. T'embarques dans notre loufa qui est loin de ton foule. J'ai pas commencé à faire mes moves à cause de la foulée. Sous ralentissais, c'était pour évoquer des cités qui fulminaient. Sans oublier que les leçons sont ici pour s'affirmer. Et nombre délirés méthodiquement sur un passé mal gardé. Mais pour rejoindre étonnamment une triste réalité. Mon appréciation, souvent perçue comme un pion dans un jeu d'échecs aux trop grandes dimensions. Le complexe, l'échec n'a pas sa place dans nos dimensions. Mon appréciation, souvent perçue comme un pion dans un jeu d'échecs aux trop grandes dimensions. Où la vie récompense les hommes avec des mentions. Les le change, vendre l'air ambiant. Tu trouves ça énervant d'entendre quelqu'un qui te ment. T'auras pas ce problème avec nos textes qui te font réfléchir sans ton consentement. On le consensise, mais je cherche que tu t'en fous sans que je mette de mise. Tu dis que t'apprécies juste pas que tu me comptes dans ta mise. Imaginant que je te crois, imaginant me crois-tu. Moi je veux juste te dire que ton histoire va m'avoir fait croire que je peux me fier à tout ce qui bouge. Naïf je suis, mais pour m'affirmer, j'avoue que je grandis dans un milieu ridé où à chaque aujourd'hui ma mentalité se construit en appréciation avec ma vie. Mon appréciation, souvent perçue comme un pion dans un jeu d'échecs aux trop grandes dimensions. Le complexe, l'échec n'a pas sa place dans nos dimensions. Mon appréciation, souvent perçue comme un pion dans un jeu d'échecs aux trop grandes dimensions. Où la vie récompense les hommes avec des mentions.